J'suis dans ma bulle avec un joint de BR. Un poteau en fin de jour rap, on s'attend pas à toucher 10 de l'heure. Intelligent mais on finit dealer ou voleur à la tire. J'ai plein de principes, plein de valeurs, mais kick et sale ça reste impératif. Au cœur des conflits j'irai pas donner mon boulot. Si ça se corse, on est hal, si ça rétise c'est qu'on est dans le fou. Quand y'a très peu de sentimental, ouais peu de sentiments sous. J'ai la vie en marche et j'connais pas grand chose à part la vie d'en dessous. Sache qu'on récolte ce que l'on sème, affranchi jusqu'au cou. Nous si on s'aime pas on se le dit ou on en vient en coup. On fait du passable en basta. Moi j'suis pas imbattable, me raconter de la merde, j'laisse ça au bastard. Viens dans ma ville, gros c'est un zoo à ciel ouvert. Ambiance instable, rap ta rap, vrai comme tous les font les frères, fort et fier. On est là, on n'est jamais partisans de la rime forte. Représente ma zone, les partisans du crime. J'ai à dire et plus que ça encore, des fois j'trouve pas les mots. Une traite de plus, ça foutre encore, mais sans devoir inciter les mots. Plus d'une ligne depuis temps mort, plus d'une fois j'ai croqué le trône. On se réveille quand il s'endorme, on marque nos places à grand coup de trône. Des choses à dire et plus encore, il faudrait je sais pas combien de fois. Juste du vie, je leur laisse leur trône et j'écoute plus que la voix des sages. Encore et encore, trop de choses à dire et on prend de l'âge. Ouais, hardcore, on s'en sort, mais n'oublie pas l'atterrissage, ma frère. Trop de choses à dire que je me perds dans mes écrits, j'ai l'air écrit. Et c'est le cas, toujours pas des selkas intérieur cuir. C'est de faute, faut-il rapper cuir. J'attrape le chromi comme un chrome, et si je m'en sers, ça sera pour faire du bruit. Rafale dans tes enceintes et dans la porte côté passe, hey. Baisse les polos qui claquent leur peuille en shit et côté match. Rotch là de merde, tape dans la marche comme si c'était du pilon. Ouais, poteau, on prend de l'âge trop vite, nos gueules en gislons. Disons, la chance nous a fui au premier contact, j'suis pas le meilleur, non, non, loin de me proclamer number one, bah ouais. Les nerfs à vif quand j'pose, pense au frère parti trop vite. Sur la selle d'un compète ou au volant d'un bolide. Ils jugent aux apparences, donc on les baise et d'office, homie. J'frappe fort, j'récupère ce qu'on m'avait promis, hormis. Deux, trois potos véritables, dans la vie j'marche seul. À part ma perte de poule, mon meilleur allié reste que seul. J'ai choses à dire et plus que ça encore, des fois j'trouve pas les mots. Une traite de plus, ça foutre encore, mais sans devoir inciter les mots. Vu d'une ligne depuis temps mort. Une fois j'ai croqué le chrome, on se réveille quand il s'endorme, on marque nos places à grand coup de trône. Des choses à dire et plus encore, il faudrait je sais pas combien de fois. Juste du vie, je leur laisse leur trône et j'écoute plus que la voix des sages. Encore et encore, trop de choses à dire et on prend de l'âge. Ouais, hardcore, on s'en sort, mais n'oublie pas l'atterrissage, ma frère. Trop de choses à dire, vu que je comprends pas leur délire. Ils font grimper des merdes au sommet, salissent la ville pour du bif. Depuis le temps qu'on gratte des pages, croise des clés de sol, on nous ferme des portes, mais redescend sur terre, pétasse des personnes. Je vois mes euros brûler dans le cendrier, une taffe de plus, mes neurones, je fais pas du rap. Pour faire des grosses sommes, attiré par la BR et les billets. On veut briller, mais des fois je deviens fou quand je constate ce que je consomme. Toujours les mêmes équipiers depuis l'époque liée. J'ai niqué ma carrière sportive, allume la console. Que des suceurs on dirait qu'à échouer ils sont livrés. Moi j'ai relevé la tête, stoppé de chialer sur mon sort. Baba, ce qui nous différencie, c'est les actes. J'ai arrêté de parler, sorti mes rimes, j'en ai même fait mon arme. Ma ville, faut que je la hisse, l'anti-MC qui la dégrade. De 0-14, c'est la corde, on la calache en cas de lézard. Chose à dire et plus que ça encore, des fois je trouve pas les mots. Une traite de plus, ça foutre encore, mais sans devoir inciter les mots. Plus d'une ligne depuis temps mort, plus d'une fois j'ai croqué le chrome. On se réveille quand il s'endorme, on marque nos places à grand coup de trône. Des choses à dire et plus encore, il faudrait je sais pas combien de fois. Juste du vie, je leur laisse leur trône et j'écoute plus que la voix des sages. Encore et encore, trop de choses à dire et on prend de l'âge. Ouais, hardcore, on s'en sort, mais n'oublie pas l'atterrissage, ma frère.